Ça vient des tropiques. Celle-là c'est Black T en combinaison ensemble QLM. Pose pas trop de questions, ramasse à un QCM. Toujours en place dans le chat, ta gang et dans la gomme. Oh mais non, quel bordel, ça recommence. La fouille de vrai, il faut se calmer. DJ Seb, DJ Fly, passe pas là le calmant. Et c'est qu'elle soit, et na NDE, ça finit cramé. Ou na aussi, c'est ça finit la soirée calmée. Celle-là est épique, comme Bimon Cabri, bondamant Jack. Et dans mon VR, skisez bémette, abondamment Jack. Snapchat, chat, Insta, un instant. Tous la même question. Oh ma dit t'es où? Oh ma dit t'es où? Oh ma dit t'es où? Oh ma dit t'es où? Un million en place avec la clique. Clique. Clic, clic, clic, clic. Sexy gal, le doigt du nous, il faut duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit. Moi, mes big dick ou addicted. Me build to big stick, il a des mystiques. Me build to impact, to get like me. Gal, big dick, cocky, big dick. Vroom, vroom, baby, vroom, vroom. Tu aimes le boom, boom, why not zoom, zoom. Vroom, vroom, baby, vroom, vroom. Tu aimes le boom, boom, why not zoom, zoom. Pour pomper mieux à moi donner. Black tea aime le chocolat d'aime. Baba Balinga open off game. Fouille pointe la plus bonne James. Vive à la Java. Faut dégager. Allez danse la moule. Dégager. Vive à la Java. L'allé, l'allé, l'allé. Oh ma dit t'es où? Oh ma dit t'es où? Oh ma dit t'es où? Oh ma dit t'es où? Un million en place avec la clique. Clique. Click, click, click, click. Sexy gal, le doigt du nous, il faut duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit. Cher passager, à ta ceinture, le décollage est imminent. M'entends dire que si ce vol n'aura un bon petit bilan. Mais qui connaît pas pour autres, mais à moi, mais les dents. Si tu viens pas sous la moins souple, ou pas ma poêle. Les gars, faisent le son, les restes m'a fait comme d'hab. Des blagues et bistas, n'a fait gommé tac. Côté, allons, allez, il faut n'a fait, allez, comme ça. Laisse n'a fait, donc amenez-nous, va faire comme ça. On va dire, t'es où? On va dire, t'es où? On va dire, t'es où? On va dire, t'es où? Un million en place avec la clique. Clique, clique, clique, clique, clique. Sexy gal, le doigt du nous, il faut.